Charente, dans le fort de Saint-Germain, traînent les canons et les compagnons d'Alain. Pète la poudre, poudre noire, barbe noire, pète la poudre à l'assaut de l'abreuvoir. Le marin sur la mer et dans les voiles, vogue le marin, voit la bière et tient la barre. Chante les marins dans la taverne d'Alain, chante les marins, voit du vin et tape des mains. Le marin sur la mer et dans les voiles, vogue le marin, voit la bière et tient la barre. Suis les étoiles dans le ciel entre tes voiles.